sais comment opérer. Dans ton corps, je vois tant de choses à moi. Je ne sais pas par où commencer. Oh, j'ai pris ton cœur. Maintenant, il faut que je t'enlève la rate. Maintenant, il faut que je t'enlève la rate. Quand j'ai pris ton cœur, je me fais le passer sous un autobus. Autobus, autobus. Oh, amour de ma vie, découpe, découpe. Les tranches de la vie, les tranches de l'amour. Oh, amour de ma vie, découpe, découpe. Thank you.